histoire particulière. Finissons le mois de juillet avec un nouveau péché absolument capital tiré de la collection été 2018 d'une histoire particulière. C'est maintenant jusqu'à 18h, c'est l'heure du récit documentaire. Une histoire va commencer, une histoire singulière, une histoire vraie. C'est un démon aux ailes de chauve-souris, regardant l'intérieur des maisons en soulevant les toits. Riche de trois têtes, une de taureau, une de bélier et une d'homme à la laine de feu. Il est doté d'une queue de serpent et des pieds en pattes d'oie. Il chevauche un dragon infernal et porte une lance. Lorsqu'on l'exorcise, il faut être ferme sur ses pieds et l'appeler par son nom. Il apprend aux hommes à se rendre invisibles et leur enseigne la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et les arts mécaniques. Il est le surintendant des maisons de jeu de la cour infernale et se plaît à semer l'erreur et la dissipation. On l'identifia souvent à Saint-Maël qui séduit Ève et on le vit troubler plus tard la quiétude des religieuses Ursulines de Loudun. Il est celui qui soutient le bénitier à l'entrée de l'église de Rennes-le-Château. Vous avez deviné ? Asmodée est son nom, la colère est son péché. En voici l'illustration sulfureuse de Marie Chartron et François Test. Bienvenue, mesdames et messieurs. Welcome aboard. Merci. Merci d'avoir choisi le petit train de la Compagnie des Salins pour cette visite à travers les marées. Nous allons ensemble traverser les différentes époques de l'histoire salinière en visitant le musée et sa boutique. Entre sel et mer, au cœur d'une nature sauvage et préservée, nous allons découvrir le plus vieux salin de la Méditerranée avec sa faune et sa flore exceptionnelle. En Camargue, au pied des remparts d'Aigues Mortes, les montagnes de sel attestent d'une activité agricole respectueuse de l'environnement. Récoltée une fois par an, au mois d'août, le sel de mer, la baleine, est naturellement blanc. Excusez-moi, j'en peux plus. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait bientôt 10 ans que je déverse ce flot de conneries aux touristes, là. J'y arrive plus. La vérité, c'est que depuis que j'ai lu Le Massacre des Italiens, ben j'arrive plus à le finir, mon speech. Vous entendez? J'ai l'accent qui me remonte tellement ça me... Je vais vous la raconter, cette version. Vous allez voir que là-dedans, la baleine est là. Elle est loin d'être blanche. Je commence par une archive. Des pierres énormes sont lancées de tous côtés sur les Italiens. Et à chaque pas, ces malheureux laissent des victimes sans défense sur le sol. Des Italiens sont poussés dans un fossé plein d'eau. Ceux qui veulent en sortir sont roués de coups. Les pierres pleuvent, le sang ruisselle. Un sinistre individu achève à coups de trique deux blessés tombés dans la bagarre. L'un près d'un arbre, l'autre près des remparts. L'après-midi, la chasse à l'homme reprend dans les rues d'Aigues Mortes. Deux Italiens sont reconnus sur la place Saint-Louis et assaillis à coups de bâton. Oh, il paraît qu'au jour où je vous parle, là maintenant, hein, on retrouverait encore des morts dans le marais du Péquet. Des Italiens massacrés là, sous les remparts. Le sel de la colère. Marie Chartron, François Test. Aujourd'hui, 17 août 1893, le massacre des Italiens. Ben oui, ben disons qu'il y a eu des Italiens qui sont venus, mais enfin, c'était très simple. On disait, voilà, il y a eu des Italiens qui sont venus travailler à Montmartre, il y a eu un massacre. On les a massacrés. On ne rentrait pas dans les détails, quoi. On ne faisait pas cocobor. Voilà, c'était un petit peu caché, ce massacre des Italiens. Il était pas, on ne parlait pas tout le temps du massacre des Italiens, ouvertement, comme on en parle maintenant. Aigues Mortes, ce n'est pas seulement les croisades, c'est aussi ces journées de violence inouïe de ces Italiens qui ont été tués. Et ça restera dans notre histoire, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Et il ne faut pas cacher la vérité. Gérard Noiriel, vous êtes historien, directeur d'études à l'EHESS. Et en 2010, vous avez publié un livre, Le massacre des Italiens d'Aigues Mortes. Un massacre sanglant qui s'est produit en 1893 dans les Salins du Midi. Quelle était cette aigue morte de 1893 et comment ces événements-là ont pu survenir ? Cette affaire d'aigue morte, elle se situe à un moment, si on veut se placer sur un plan général déjà, un moment assez particulier parce qu'on est en plein dans la grande crise, la première grande crise du capitalisme qu'on a appelée la Grande Dépression. À aigue morte, l'une des activités ancestrales, hein, c'est donc l'élevage du sel. Et l'élevage du sel se fait au mois d'août, un peu avant les vendanges. Enfin, il y a une économie qui est, je dirais, ancestrale, mais qui est en plein changement parce que il y a une grande entreprise, la compagnie des Salins du Midi, qui a rassemblé sous son contrôle toutes les petites salines qui pouvaient exister dans la région. Et qui surtout a recruté, depuis peut-être une quinzaine d'années, des travailleurs italiens. Vaut mieux dire d'ailleurs piémontais, parce que l'Italie est encore moins unifiée que la France à l'époque. Donc ce sont des travailleurs saisonniers qui viennent tous les ans pour lever le sel. Ils sont extrêmement costauds, ils sont habitués, ils viennent en bande, hein, avec un chef de village, ils sont très disciplinés, et ils sont payés au rendement. Donc, voilà, il faut qu'ils travaillent vite pour gagner beaucoup d'argent. Parce que, aussi, les locaux, je dirais les aigues-mortais ou les habitants des campagnes, ne veulent plus faire ce travail. On a donc, progressivement, la compagnie a fait venir des saisonniers italiens pour remplacer les anciens montagnards, qu'on appelle les Ardéchois, qui descendaient des Cévennes, qui sont toujours là, mais beaucoup moins nombreux, que dans les époques ancestrales. Mais comme il y a cette dépression, grande dépression qui est arrivée, du coup, c'est un schéma classique hein, qu'on retrouve dans l'histoire de France, c'est-à-dire quand la crise économique survient, bien il y a du chômage, il y a une concurrence sur le marché du travail, et des gens qui ne faisaient plus ce travail-là veulent à nouveau le faire, au détriment par le fait des Italiens, parce qu'ils estiment qu'ils sont français, que c'est à eux de le faire. Donc ça, c'est le contexte. Il y a un autre élément qui est tout à fait essentiel dans l'affaire d'aigues mortes, c'est que cette crise a aussi eu des effets sur, je dirais, un prolétariat de traditionnel, des petits métiers, les maçons, les forgerons, etc., qui ont été parmi les premiers touchés par la crise, qui n'ont plus de travail. À l'époque, il n'y a pas d'allocation de chômage ni rien. Donc, ils sont obligés d'errer. C'est ceux qu'on appelle les trimards. Qui trimardent, ça veut dire se déplacer pour pouvoir trouver du travail. Et disons, leur situation est particulièrement dramatique parce que depuis 1885, il y a une loi qui a été adoptée par la République pour montrer qu'elle était aussi capable de faire face à l'insécurité, hein, qui est une loi qui vise les récidivistes, les vagabonds par le fait. Et depuis cette loi, eh bien, des individus qui ont été convaincus de récidive en matière de vagabondage peuvent être envoyés à Cayenne. C'est la question de la déportation. Alors il y a une sorte de haine qui est accumulée dans ce prolétariat à l'égard des gendarmes, à l'égard de l'État, et puis une angoisse qui fait qu'ils tous se dirigent vers le sud de la France en été parce que c'est là qu'il y a plus de travail. Nous sommes les crèves de faim, les va-nu-pieds du grand chemin, ceux qu'on nomme les sans-patries et qui vont traînant leurs boulets d'infortune toute la vie. Ceux dont on médit sans pitié et que sans connaître on redoute sur la grande route. Quand nous sommes nés on ne sait où, dans le fossé, un peu partout. Nous n'avons ni père ni mère, notre seul frère est le chagrin. Notre maîtresse est la misère qui, jalouse jusqu'à la fin, nous suit, nous guette et nous écoute sur la grande route. En août 1893, ils sont plus de 1000 trimards à aigues mortes, qui espèrent se faire embaucher par la CSM. Je ne sais pas si vous connaissez aigues mortes, mais c'est tout petit. Tout petit. Alors essayez d'imaginer 1000 trimards qui errent hein, sur la place Saint-Louis. Sans compter que les aigues mortées détestent ces envahisseurs. Luc Martin, en 2012, vous avez écrit un livre, L'été de la colère, la tragédie d'aigues mortes, août 1893. Vous êtes aigues mortais, vous êtes salinier. Pourquoi vous êtes-vous emparé de cette histoire ? Eh bien, c'est une histoire qui, bien sûr, est restée secrète, mais elle me touche personnellement. parce qu'il se trouve que je suis l'arrière-petit-fils d'une dame, la veuve Adélaïde Fontaine, qui était boulangère à Aigues-Mortes. Et lors des événements de ces journées de troubles et de violences, cette dame a pu sauver une trentaine d'immigrés italiens dans sa boulangerie. Voilà, moi j'ai voulu un peu remettre au goût du jour cette histoire qui était assez méconnue, pour rendre peut-être hommage à mon arrière-grand-mère, à ce geste envers des immigrés, un geste de sauvegarde, j'ai envie de dire, avant l'heure. Elle vous avait raconté cette histoire, votre grand-mère ? Alors, ma grand-mère m'en a un petit peu parlé, parce qu'au moment des faits, elle n'avait que 5-6 ans. Donc, elle tient les faits, pour la plupart, que sa mère donc lui a raconté. Moi, je ne l'ai pas connue, mon arrière-grand-mère. C'est vrai que cette affaire, on en parlait un petit peu à demi-mot. Toutes les Aigues-Mortes connaissent, en fait, cette histoire des immigrés italiens d'Aigues-Mortes. Mais personne n'en parle ouvertement. Et surtout pas, il ne fallait pas en parler aux étrangers. août 1893, 6h du matin. Les chefs de chantier, dit les chefs de colle, recrutés par la CSM, rassemblent leurs équipes. Les Aigues-Mortes travaillent dans le salin du Perrier, donc là, juste à côté des remparts. Ils partent de leur côté, pendant que les Ardéchois, les Trimards et les Piémontais montent dans des barques qui vont les amener jusqu'au chantier, à 8 km de la ville, en plein désert. Ils vont rester 8 jours sur place, à dormir dans des cabanes qu'on appelle des cambuses, à même le sol sur de la paille. En plus, évidemment, il faut qu'ils amènent leur baquet d'eau potable. Alors l'eau est un élément extrêmement important, non seulement parce qu'il fait une chaleur de plomb, hein, le 15 août à Aigues-Mortes, hein, mais aussi parce que le sel colle à la peau et brûle, et donc ils se nettoient, enfin ils se lavent régulièrement dans ces baquets, etc. Et cette première rixe, donc, qui, en fait, met aux prises les Italiens, les Piémontais, qui veulent donc travailler avec le plus vite possible, et puis ces Trimards qui, eux, manifestement, ne sont pas capables de faire ce travail, se joue aussi au niveau, de l'identité de masculine, par le fait. C'est que c'est la force physique qui est en jeu, et le fait que les autres n'y arrivent pas, donc il y a un échange d'insultes. Eh, hey, macaroni, arrête de me frôler avec ta brouette, sinon je te fous mon poing dans la gueule. Un culo, t'es même pas capable de la soulever, ta brouette. Les Trimards ripostent en lançant des blocs de sel énormes sur la tête des Piémontais. Alors un Turinois s'approche, complètement excité. Il plonge sa chemise pleine de sel dans le baquet d'eau potable des Trimards. Sa chemise, pleine de sel et de sueur. Dans le baquet d'eau potable des Trimards. Donc ça, c'est quelque chose qui est considéré comme un crime absolu, quoi. Donc, ça met le feu aux poudres. Les Trimards sont éjectés du chantier par les Piémontais. Du coup, ils font les 8 km pour aller ameuter la ville et répandre le bruit qu'il y a des morts. Mais le juge de paix, qui s'appelle Hugo, va sur les lieux et il réussit finalement à réconcilier. Tout le monde pense que c'est fini. Mais pendant ce temps-là, les autres ameutent dans la ville la population aigues-mortaise et tous les Trimards qui n'ont pas réussi à se faire embaucher, qui errent dans la ville avec un ressentiment extrêmement fort contre les Italiens. Et donc, au moment où on dit à la population qu'il y a des morts, aussitôt, évidemment, les gens s'inquiètent, parce que les familles, parfois, un fils qui était dans ces endroits-là. Bon. Donc, petit à petit, on voit monter la colère et l'angoisse dans la population d'Aigues-Mortes. Le problème, c'est que les Aigues-Mortes, ils détestent les Trimards. Mais bien sûr, ils les mettent dans le même sac que les Italiens. Alors, pour les rallier à leur cause, les Trimards vont réinventer spontanément les règles fondamentales de l'action politique. Première règle, se choisir un porte-parole présentable. Il s'appelle Gédéon Sabatier. C'est le seul cévenol de la bande. Donc, il parle la langue locale, le provençal. Donc, il peut dire « nous » en s'adressant aux Aigues-Mortes. Les Italiens nous ont attaqués. Et donc, du coup, les gens d'Aigues-Mortes, c'est ce que j'appelle moi, la construction d'un « nous hein. ». Nous et eux, eux et nous. Le « nous » et « eux » se reconfigurent par le fait. Gédéon Sabatier interpelle ensuite les Trimards que la CSM n'a pas voulu embaucher et qui erre comme ça dans la ville. Non seulement les macaronis nous prennent notre travail, mais maintenant ils veulent nous chasser de chez nous. Ils nous ont attaqués par derrière, à coups de couteau. Regardez. Et là, Sabatier réactive la deuxième grande règle de l'action politique. Exhiber des symboles frappants, des images fortes pour émouvoir le public. Au cours de la première bagarre, un trimard avait reçu un coup de couteau dans la fesse. Ah ! Alors Gédéon Sabatier lui dit de baisser son froc. La vue du sang ! Il n'y a rien de tel hein, pour remuer les gens. Mais si la foule est devenue furieuse quand elle a vu le cul en sang du trimard, c'est parce qu'elle a fait immédiatement le lien entre le sang, le cul du français et le couteau de l'italien. Article dans le Figaro. Le coup avait été donné à l'italienne, c'est-à-dire que l'assassin avait retourné le couteau dans la plaie de manière à faire tourner la pointe dans l'intérieur. Les intestins avaient donc été affreusement perforés et tout secours était inutile. Voilà ce qu'on pouvait lire dans le Figaro de l'époque. Mais comme l'Italie s'était alliée à l'Allemagne en 1882, les Italiens étaient aussi considérés comme des ennemis sur le plan politique. Le couteau de l'Italien, c'est quoi ? C'est comme le voile islamique aujourd'hui. Le symbole qui permettait de faire le lien entre la rubrique criminelle et la politique internationale, entre les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur. Donc nous sommes le mercredi 16 août 1893. Dans les Salins, vers midi, une altercation a eu lieu, il y a eu une bagarre, les premiers blessés ont été ramenés à Aigues-Mortes, ensanglantés. L'affaire va faire grand bruit. Et il va être déclenché dans une ville un mouvement de chasse à l'homme. Tous les Italiens qui étaient là, parce que tous n'étaient pas dans les Salins, hein, ils vont être pris à partie par des bandes de gens. Ils vont être sortis de force dans des cafés, des estaminets, des tavernes. Il y en avait énormément. Et ici, il y en a un qui s'appelait Giacomo Balduzzi, un Italien, avec son fils de 18 ans. Il va être pris à partie par une foule et il va être roué de coups ici même devant l'église. La nouvelle, bien sûr, va se répandre comme une traînée de poudre. Sur la place Saint-Louis, tout le monde est déjà au courant que des bagarres ont lieu. Les Italiens sont affolés, ils ne savent plus où aller. Ils décident de se réfugier parce qu'ils connaissaient bien la boulangerie Fontaine. Dans la boulangerie Fontaine, place Saint-Louis. Ça dure quand même plus de 24 heures et un des enjeu important, c'est que l'armée n'arrive pas. Les forces de police qui étaient stationnées à Nîmes, pas très très loin, hein, quarantaine de kilomètres, je crois, n'arrivent pas, et donc les forces locales de gendarmerie sont complètement débordées. Donc il y a ce problème du dysfonctionnement de l'armée qui n'a jamais été... Il y a eu une enquête, paraît-il, diligentée, mais j'ai trouvé aucune information à ce sujet-là. Ils vont se réfugier donc de la boulangerie Fontaine, parce qu'à cette époque, la boulangerie Fontaine livrait en pain une des équipes italiennes. Et il va y avoir plus d'une trentaine de personnes qui vont rentrer, se réfugier dans cette petite boulangerie de l'époque. Les émeutiers et les pourchasses connaissent également Madame Fontaine, qui sort d'urgence de sa boulangerie, se met face aux émeutiers, comprend qu'on va tout casser dans sa boulangerie, s'interpose donc, et là leur dit, vous ne rentrerez pas ici, ici c'est chez moi. Et grâce à ça, ces Italiens vont passer toute la nuit du 16 au 17 dans la boulangerie, et ils seront libérés le lendemain par la gendarmerie, heureusement j'ai envie de dire, qui va sauver 30 Italiens d'un désastre ou d'un massacre annoncé. Les Italiens qui sont donc enfermés dans cette boulangerie sont en relative sécurité, relative. Le maire prend conscience, il va téléphoner en soirée d'urgence à la préfecture qui va dépêcher des gardes à chevaux qui viennent des villages voisins pour venir remettre de l'ordre dans Aigues-Mortes. Ces troupes vont arriver vers 23 heures. Elles sont conduites par un homme d'expérience, un jeune capitaine, qui s'appelle Charles-Auguste Cablé. C'est un homme d'expérience, qui a le sang-froid nécessaire. Et c'est à lui qu'on va donner la mission de rétablir l'ordre et surtout de protéger coûte que coûte les Italiens. Cablé s'exécute, ils arrivent à Aigues-Mortes, repoussent les trimards, organisent des patrouilles dans toute la ville. Finalement, vers minuit, 1h du matin, l'agitation cesse, Aigues-Mortes s'endort. C'est le lendemain que commence un drame effroyable. Comment les trimards auraient-ils pu admettre que la CSM embauche des Italiens alors que eux, ils étaient au chômage? Quand ils ont constaté que par-dessus le marché, les forces de l'ordre défendaient les Italiens, ils sont devenus faux furieux. Quoi? Qu'est-ce que j'entends là? Nous, citoyens français, on nous envoie au bagne alors que les autres là, les condes macaroni là, ennemis de la France, la police elle les protège? À ce moment précis, nous sommes à deux doigts d'une insurrection. Et dans ce genre de situation, ceux qui n'ont plus rien à perdre s'imposent vite comme des leaders. Le matin du 17 août, sur la place Saint-Louis, c'est Florentin Blanc qui ameute les trimards. Il tient dans une main un énorme gourdin et dans l'autre un drapeau rouge fabriqué avec des draps qu'il a dû piquer à sa mère ou je sais pas. Et il crie « Tous au marais !» Et la foule qui répond « Tous au marais !» en entonnant la Marseillaise. Alors, le 17 août 1893, les Aigues-Mortais décident de passer à l'action pour défendre leur propriété. À 10h du matin, Charles Brezin, le tambour de la ville, ameute ses concitoyens. « Avis à la population, la chasse à l'ours est ouverte !» Voilà une phrase que le juge d'instruction retiendra pour inculper Brezin d'incitation au meurtre. La communauté est en danger. Les paysans aigues-mortés se précipitent sur leurs fusils et se ruent dans les marais. Là-bas, 80 Italiens sont encore logés et sont en attente d'être évacués par les gardes du capitaine Cablé. Celui-ci rassemble du mieux qu'il peut ces 80 Italiens. Les émeutiers hésitent à foncer dans le tas, parce que cette fois il y a les gendarmes, et Cablé dit « il faut marcher sur Aigues-Mortes ». Le cortège se met en place, 80 Italiens sont au milieu, les gendarmes devant et derrière eux suit cette foule d'émeutiers qui finalement se contentent que d'injurier, d'invectiver et en aucun cas n'attaquent. Ils vont arriver par ce chemin qui est face à la tour de la Reine. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à 1500 mètres d'ici, le mas Méjean que l'on aperçoit là-bas, à droite, une autre foule d'émeutiers qui était restée en ville les attendent aussi. Une foule qu'on estime, d'après le procureur Léon Nadal, à plus de 600 personnes. Cablé le sait, l'affrontement est inévitable. Soudain, les deux bandes, voyant une à l'autre, c'est la curée, c'est l'assaut. Les Italiens sont pris à partie, en dépit des capitaines, des hommes du capitaine Cablé, qui ne peuvent rien faire, malheureusement, pour les sauver. La seule chose, c'est de partir à toute vitesse vers la tour de Constance, et essayer de se mettre à l'abri, malgré les pierres qu'ils peuvent, les coups de bâton, les coups de fourche, les empoignades musclées. Des Italiens sont extirpés de cette colonne, malheureusement. Ils sont battus, roués de coups, jetés dans les fossés, à droite et à gauche du chemin. Qu'on aperçoit encore aujourd'hui. Voilà, hein, qui est encore de nos jours, il n'a pas bougé, il est toujours là, hein, c'est toujours le même. Tandis que d'autres sont battus sauvagement. Le procureur dira... À chaque pas, on est forcé de laisser des victimes sans défense par terre, que des forcenés viennent achever à coups de matraque. C'est un drame terrible, c'est la course, c'est du sauve qui peut. Nous sommes le 17 août, les Italiens sont assaillis, pour nombreux, ils ne se relèveront pas. Au moment où les rescapés italiens du premier carnage parviennent, tant bien que mal, au pied des remparts, le préfet, qui vient juste d'arriver à Aigues-Mortes, ordonne alors à Joseph Granier, le marchand de vin, d'ouvrir sa grille pour que les Italiens puissent se réfugier dans sa propriété. Mais Granier, il hésite. Il commence à retirer la chaînette qui referme sa grille pour pouvoir l'ouvrir. Mais là, la foule gronde. Granier, Granier. Alors vite, il referme. Et là, on entend la foule qui crie. Vive Granier! Vive la France! À mort les Italiens! Le 17 au soir, on retrouvera deux cadavres devant la grille de Joseph Granier. Le 17 août, au plus fort de l'émeute, les derniers Italiens poursuivis sont mis à l'abri dans la tour de Constance. Comment se termine cette journée, Luc Martin ? Bien, cette journée, finalement, cette troupe militaire, ces hommes du 38e d'artillerie, entre autres, que l'on attendait, finissent quand même par arriver à Aigues-Mortes. Ils vont prendre le contrôle immédiat de la ville. Ils arrivent l'arme à la main, les armes à la main, bien sûr. Donc ça calme pas mal d'émeutiers. Ils prennent, ils patrouillent, ils vont mettre en sécurité ces Italiens et eux seront évacués cette fois avec des hommes, des militaires. Voilà, ils seront bien sûr évacués une fois de plus par la gare d'Aigues-Mortes, comme ça. Hein. Donc la ville, au soir du 17 août, enfin, j'ai envie de dire, l'autorité est rétablie, la ville est aux mains des militaires. Donc au total, on a relevé, alors il y a encore aujourd'hui d'ailleurs, on a des divergences dans le nombre de morts, mais on estime qu'il y a eu 9 ou 10 morts et au moins une centaine de blessés. Et donc certains sont peut-être morts de leurs blessures après. Mais donc c'est un massacre vraiment extrême. Hein. Elle gronde, grogne, elle est prête à se répandre. À fracasser le silence, elle sait comment se faire entendre. Elle me transit l'effroi, très vite je ne sens plus mes membres. Je tremble, convulse, impossible de me détendre. Je m'abandonne dans les méandres de ses reflux. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même depuis notre entrevue. Je ne connaîtrai le repos qu'une fois son appétit repu. Enfin je cherche le repli, mais je n'ai subi que des refus. À chaque fois qu'elle revient, c'est pour faire pencher la balance. Quand plus rien ne me retient, quand je subis son influence. La science de la furie, l'art de la guerre réveille tous mes démons. Si je l'écoute, si je coopère, mais si je la contiens, si je la domine, si j'en fais mon allié caché sous ma poitrine. C'est fou la force qui se dégage de ses remous quand elle est légitime et que l'agneau défie le loup. À l'origine de cette chasse à l'homme, il y a le sel. Vous avez déjà vu des camels, ces montagnes blanches qui sont les seuls massifs de la Camargue autour d'Aigues-Mortes. Perchés sur l'une de ces pyramides, si on regarde loin, les marais salants s'étendent longuement jusqu'à la mer, entre les surfaces des cristallisoires et l'eau où le ciel se reflète. La récolte se fait jusqu'à aujourd'hui pendant les mois d'été. Alban Moret. Alors le sel que vous voyez, effectivement, là on aperçoit des centaines de milliers de tonnes. Ce sont nos stocks post-récolte, effectivement, que nous stockons pour après, toute l'année, expédier ce sel à différents endroits. Donc en fait, ce sel, il vient de la mer Méditerranée, effectivement, puisque le salin d'Aigues-Mortes, c'est un salin d'eau de mer. Et on prend de l'eau de mer toute la saison estivale, on la fait évaporer sur des grands espaces, à peu près 8000 hectares. On compare souvent ces 8000 hectares à la surface de Paris intramuros. Et pour la faire évaporer par rapport à des énergies renouvelables qui sont le vent et le soleil.

Jean-Louis Parodi et Virginie Hémon, qui donnent voix sur scène depuis 2010 au massacre des Italiens. Adapté du livre éponyme par l'historien Gérard Noiriel et le metteur en scène Jérémy Béchon, le spectacle dont sont issues les lectures est une coproduction du collectif Manifeste Rien et de l'association Daja. Merci au Théâtre de l'Œuvre à Marseille et au Salon d'Aigues Mortes. Coordination Christine Bernard, un documentaire de Marie Chartron et François Test. Por el camino del desierto, el viento me despeina, suave aroma de colita, nada, nada de nadie. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de mezcal, te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana de sonar, y me dijo ya a mí mismo, esto puedo del cielo. Ella enciende una vela y nuestra de camino. Soy vos el corredor y yo te dije diciendo: Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Histoire particulière, c'est fini. Cette histoire se podcast sur le site de France Culture. Elle se réécoute partout, où vous voulez, quand vous voudrez. Et toute la bibliographie qui accompagne ce documentaire est sur franceculture.fr. Je vous retrouve dimanche prochain à 17h pour la suite de la collection Été 2018 d'une histoire particulière, mais c'est une autre histoire.